Le piano ancien par Gustave Geffroy. La jeune fille parcourait curieusement cette vieille maison de province que sa grand-tante maternelle lui avait laissée en quelques lignes graves et affectueuses de son testament. La tante Clémentine demandait très doucement que rien ne fût changé, si cela se pouvait à l'aménagement des pièces et à la disposition du mobilier. Elle avait aimé sa petite ville et sa silencieuse maison, et elle avouait très ingénument vouloir prolonger sa vie dans les chambres où elle avait vécu, par les objets dont elle s'était entourée. Il lui semblait que si les choses qu'elle avait maniées restaient en place, il resterait aussi un peu d'elle là où s'était écoulée son existence régulière, si pleine de jours semblables. Le contact de ses doigts devait subsister aux clés et aux serrures des portes, aux espagnolettes des fenêtres, aux cordons des rideaux, au bois du métier à tapisserie. Elle serait toujours un peu assise au creux des fauteuils et des bergères, où se reposait son frêle corps de nonagénaire, de jour en jour allégé par l'âge. Le souvenir de son être évaporé passerait à travers le jardin et la cour, luirait aux vitres éclairées, parcourait les couloirs. Après les repas, à l'heure du café qu'elle prenait si voluptueusement, il était impossible, si l'on se servait de sa cafetière, de son sucrier et de ses tasses, qu'on ne vît pas apparaître vaguement sa bouche spirituelle et ses fins yeux réjouis. Sans cesse, au matin, son alcôve donnerait l'illusion de son sommeil de vieille fée souriante. Tout cela avait été facilement admis au jour de l'héritage. La visite de la maison remise à l'été prochain, les intentions de la défunte respectées au moins pendant les mois d'hiver. On admettait d'ailleurs ses désirs puérils, ses manies de la dernière heure, quoiqu'on eût peu connu la bonne femme, rarement visitée, et qui n'était pas venue à Paris depuis les lointaines années où elle s'était trouvée recluse dans le veuvage sans enfant. Elle n'avait pas mis de condition à l'acceptation du legs. Elle n'avait exprimé qu'un espoir. On était libre de tout changer, de vendre même cette maison, difficilement abordable. Mais cette situation n'obligeait-elle pas à plus de scrupules les âmes délicates, et la petite nièce ne devait-elle pas se sentir troublée par cette confiance venue à elle, par cette timide voix d'outre-tombe qui chuchotait à son oreille ses regrets du logis quitté, ses aveux de fragile et incertaine survivance. Arrivée au matin, entrant par la porte de la rue qui s'ouvrait au-dessus de trois marches brisées, il y eut d'abord, pour la jeune fille et pour ceux qui l'accompagnaient, quelques désillusions à pénétrer dans l'habitation délabrée, où il n'y avait eu rien de vivant depuis 6 mois. Il semblait que les murs et les boiseries sans surveillance étaient hâtés de vieillir. Des rides nouvelles se creusaient visiblement au plafond. Les peintures des panneaux tombaient en minces écailles. Les araignées avaient partout filé leur toile couleur de cendre. L'indéfinissable odeur de vétusté était répandue partout, devenait plus certaine à mesure qu'on ouvrait les portes. Une odeur de chambre fermée et de noirs caveaux, de linge humide et de papier jauni, de poussière amoncelée de fleurs pharmaceutiques. C'est l'atmosphère d'hier qui a été enfermée, mise sous les verrous, et qui garde la saveur des jours finis, les ferments du passé. Il semble qu'il y ait, au fond de ces chambres closes, un goût presque perdu de chaleur lointaine, un reflet de lumière depuis longtemps éteinte, des traces des rayons de soleil qui se seraient refroidis. Elle respira avec un peu de malaise le parfum mort de cet air sans tiédeur. Sa mère, ses sœurs, son frère, continuaient leur montée et leur descente à travers la maison, la laissaient s'attarder dans ses recherches mystérieuses et sa lente curiosité. À un moment, elle n'entendit plus aucun bruit. Le silence pesa sur elle et ses épaules frissonnèrent. Elle eut une inquiétude d'être seule. Elle ouvrit une porte, n'osa pas rester le temps de la refermer derrière elle, descendit un escalier, traversa un vestibule, ouvrit une autre porte et se trouva dans une cour intérieure. Une cour petite, rectangulaire, circonscrite entre la maison, deux corps de bâtiment de hauteur moindre et un pavillon au fond, simple rez-de-chaussée percé d'une porte et de 2 fenêtres. Une architecture de la fin du XVIIe siècle, d'une régularité parfaite, les croisées encadrées de moulures, des chiffres au-dessus des portes. La cour, pavée, était une clôture hermétique. La vive lumière du matin y descendait, rosait les pierres, bleuissait les ardoises des toits tombants. C'était silencieux et fleuri comme un cimetière de village. Le jasmin, le chèvrefeuille, les buissons de roses s'accrochaient au mur. des touffes de camomille sortaient de la terre entre les pavés. Dans la lumière d'or et d'argent murmuraient des abeilles. Le silence de ces pierres usées, de ces fenêtres fermées, de ce coin d'habitation repris par la nature, était d'une mélancolie plus passionnante encore que la tranquillité des chambres où la jeune fille venait de passer. Elle voulut échapper à l'obsession qui s'aggravait en elle, et elle traversa l'étroite cour, elle marcha à travers les baumes et les camomilles, elle entra dans le pavillon. Ce fut une surprise. Elle n'avait vu jusqu'alors que les ameublements prévus du temps de la Restauration et de l'Empire. Ici, elle se trouvait au XVIIIe siècle, peut-être au temps de Louis XVI. Elle crut reconnaître des formes et des ornements de piano, des dossiers de fauteuils, des pieds de table, pour en avoir vu de semblables à Versailles dans les petits appartements de la dernière reine. Ce n'était ni très luxueux ni très capitonné. Les murs étaient peints en gris clair. Il n'y avait pas d'étoffe d'un rose fané aux fenêtres. Deux amours, tenant une guirlande de roses et d'œillets, souriaient au-dessus d'une porte. Sur les battants d'une petite bibliothèque laquée, des paysages chinois montraient en perspective chimérique leurs kiosques, leurs montagnes, leurs rivières, leurs arbres, leurs nuages. La jeune fille devina le portrait de sa tante dans un cadre ovale, et dans un autre cadre, une femme de visage presque semblable, les cheveux poudrés, à laquelle sans doute avaient appartenu ces tables, ce fauteuil, cette bibliothèque et ce piano, qu'elle n'avait pas vu tout d'abord, dans un angle obscur, un piano long et étroit, les pieds droits et fins, en bois sombre éclairci de filets d'or. Elle vit là une diversion à la solitude, à l'inquiète humeur qui s'était emparée d'elle. Une bruyante conversation possible, une envolée de notes qui chasserait les esprits de la maison abandonnée et changerait l'atmosphère d'autrefois. Le fauteuil est approché. Une main patiente ouvre le piano, plaque des accords tapageurs. C'est un Érard de 1780, un des premiers qui ait été fabriqué dans la maison de la rue du Mail. Il a encore des sons grêles, d'épinettes et de clavecin. La jeune fille force ses sons, joue nerveusement, s'ingénie à se souvenir d'airs d'opérette, de mélodies poivrées qui mettent en joie les théâtres du boulevard. Elle cherche du sautillement, de la gaieté, de l'irrespect, les drôleries à la mode, les contorsions de la parodie. Elle ose les refrains des cafés-concerts qui sont dans l'air de Paris. L'instrument semble pris de colère sous ses doigts qui le violentent. Il s'essouffle et hurle ses phrases vulgaires, ses rythmes brisés. Sa grêle voix devient rauque, sanglote des colères et râle des souffrances. Ses touches d'ivoire sont des dents irritées qui voudraient mordre ses mains mauvaises. On croirait, à l'entendre, chétif, tout sautant et furieux, un vieillard dont on s'amuse et qu'on force à bafouer ce qu'il aime, à parler argot, à chanter des chansons grossières. La petite nièce de la tante Clémentine s'est amusée d'abord de ce jeu. Elle a souri, et elle a ri de cette bataille où le piano se débat de façon si grotesque. Elle a persisté dans son idée fantasque jusqu'à ce que ses doigts aient tremblé et qu'elle ait été agacée et attristée elle aussi de ce désaccord entre la voix grêle et lointaine et le chant burlesque à la mode d'hier. Elle a regardé les portraits et les doux visages l'ont regardé de leurs yeux de reproche. Les bouches fanées sont devenues méprisantes. Les personnages de Chine courent avec des gestes effarés, les étoffes roses sans ténèbres. Elle cesse de frapper sur le piano qui va se briser et expirer dans une crise de fureur. Brusquement, avec des contacts de doigts qui ressemblent à des caresses, elle joue un air d'autrefois, une romance de plainte et de coquetterie, et après celle-là une autre, et elle se laisse prendre par le rêve de la musique. Elle se souvient et elle improvise. Elle croit voir passer des bergers en bas de soie, des bergers en jupon court. Elle regarde des dames à révérence, des personnages de la comédie italienne. Elle écoute de tendres propos échangés sous les arbres, dans un parc bleu de clair de lune. Les allées bordées de charmilles se perdent dans le soir. Des robes d'argent luisent et se sauvent vers l'ombre. Cette fois, les portées ont retrouvé leur sourire. Le calme s'est fait de nouveau autour des choses. Le piano jase doucement et finement, raconte les années révolues de sa voix grêle et charmante, où il y a de temps en temps des brisures, comme la rupture d'une corde de viol, comme une fêlure de cristal. La jeune fille écoute cette voix du passé, reçoit ses confidences de la poussière. Elle se sent entourée de ce qui a été et qui n'est plus. elle croit entendre autour d'elle les chuchotements des siens, les allées venues des ombres dont elle sait à peine les noms. Elle a cru entrer dans une maison déserte, et voici que tous ses meubles murmurent, que ses rideaux bruissent, que ses portraits ont des pâleurs, des tressaillements, des montées de vie. Elle devine une existence des choses, elle pense à ces liens obscurs qui vont des objets à nos cœurs. Elle comprend le testament de la tante Clémentine. Ainsi s'achève le piano ancien de Gustave Geffroy.